Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah oui, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler. Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté. Mais vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était. Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Or, je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, mais ça m'est égal, moi. La blonde. Ah, Nadine! Ouais. Elle est à Caen aujourd'hui. Je suis un peu ennuyé. Non, alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi, ça. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus. Vous êtes eux? Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, Ah oui, ah, mais ça se prend surtout, ne pas à ce vous... point-là. Ah, mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Ah ben, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis. Mais vous êtes assis sur son fauteuil là? Je viens de me lever, là, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, les morpions. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. On Oui. vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites impubiens qu'on appelle des morpions. Et là, vous en avez, vous aussi, il me dit. Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah, si. Si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément vous en avez. Hein. Ah, Vous pouvez ah. regarder. Même très peu de temps? Ah oui, même une minute, évidemment, il n'y a Ah, pas plus. je me suis bien assise une demi-heure, moi. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je voie? Vous regardez à la base de la toison pubienne, hein, sur les poils, hein, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions. Maintenant? Ben oui, madame. Ben non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Ben faites-le discrètement, hein. Bon, ben je le fais. Allez-y, je vais pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur, hein, je patiente, hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement là. Hein. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Absolument oui. Allô? Oui. Oui, je vous Non, je écoute. vois rien, hein. Il n'y a Je vois rien? strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui. Et si vous en voyez, Oui. vous nous appelez immédiatement à la radio Pardon? pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. Je sens plus à l'aise. Hein.